Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. Premier épisode, Tanger. Malaga, j'avais imaginé il y a longtemps que je ferais ce voyage avec Irène, sur les traces de Jane Bowles. Nous avions pensé aller aussi à Tanger. Finalement, des années plus tard, c'est sans Irène que j'y ai débarqué, en bateau, depuis l'Espagne. C'est là que j'ai rencontré Paul Bowles, le mari de Jane. J'étais d'abord passée par Malaga pour voir sa tombe. Malaga, où elle vécut les 6 dernières années de sa vie, dans une clinique psychiatrique, la Clinica de Los Angeles, la clinique des anges, exilée, protégée de Tanger. Malaga, où elle est morte et enterrée. Quand je suis arrivée dans le cimetière de Malaga, à la périphérie de la ville, en décembre 1995, j'ai cherché la tombe de Jane Bowles. Je ne me souvenais plus de la date exacte de sa mort. Je savais seulement que c'était en 1973. Le gardien a scruté sans succès les registres, curieusement. J'ai parcouru longuement le cimetière bousculé, retourné. C'était triste, désolant. J'ai cru que plusieurs tremblements de terre s'étaient accordés pour dévaster le lieu. Je me demandais bien quelle photographie j'allais pouvoir ramener à Irène. Je n'ai pas trouvé la tombe de Jane. Je n'ai pas compris pourquoi le cimetière était à ce point mutilé. Un an après ce voyage, Irène attira mon attention sur un entrefilet du Monde daté du 8-11-96. Nous y apprenions qu'une autoroute devait passer sur le cimetière de San Miguel, à Malaga. C'est pourquoi les autorités déplaçaient les tombes et les transféraient au nouveau cimetière de Marbella. L'article du Monde relatait que Paul Bowles, n'étant propriétaire que d'une concession de 10 ans, les restes de Jane allaient être versés dans une fosse commune lorsqu'une étudiante espagnole, qui avait lu la biographie de l'écrivain par l'américaine Millicent Dillon, se rendit au cimetière sur sa tombe sans nom. Épouvantée par ce qu'elle découvrit, elle prit contact avec Paul Bowles et obtint son accord pour faire transférer la dépouille de Jane à ses propres frais. Elle avait demandé ça comme cadeau d'anniversaire à ses parents qui le lui avaient accordé. Irène disait que l'étudiante était une héroïne des nouvelles de Jane, ayant pris vie pour lui offrir une sépulture. Ce geste étrange et beau est tout à fait digne de l'univers de Jane, de ce qu'elle aurait pu faire, elle, Jane Bowles, 22 février 1917, 3 mai 1973. Quand j'ai rencontré Paul Bowles en décembre 1995 à Tanger, il pleuvait énormément ce jour-là. Il y avait des flaques d'eau géantes qui rendaient les rues boueuses, impraticables, et les trottoirs crevés tout autant. Mes chaussures ressemblaient à deux éponges piteuses et mes pantalons étaient trempés jusqu'aux genoux. J'avais marché toute la journée sous une pluie dense, drue, dans ce Tanger où il ne pleut que 10 jours par an. L'immeuble Itessa, où habitait Paul Bowles, dans le quartier européen, construit dans les années 50, était modeste, en état de décrépitude avancée, habité en grande majorité par des Marocains. Les quelques Européens qui y vivaient encore semblaient presque anachroniques, fantômes rescapés d'une autre époque. J'ai sonné. Un homme d'une cinquantaine d'années, très brun, à la peau foncée, massif et beau, rude, habillé d'un pull de laine sombre, a ouvert la porte d'entrée. Je crois me souvenir qu'il portait des bagues, une chaîne autour du cou, et peut-être un anneau à l'oreille, mais je n'en suis plus très certaine. Il avait l'air d'un marin. Enfin, c'est l'impression qu'il m'avait donnée, sans doute à cause de l'anneau. J'ai expliqué que j'avais laissé sur le paillasson, le matin même, un mot annonçant ma venue pour la fin de l'après-midi. Paul Bowles n'avait pas le téléphone. Il avait pris l'habitude d'ouvrir sa maison depuis des années, l'après-midi, à toutes sortes de gens qui voulaient le voir. Des cohortes de beatniks américains et européens avaient franchi son seuil juste pour le voir, lui, et dans son ombre, Jane. Ils étaient parmi les premières icônes hippies à avoir fui les États-Unis dans les années 40 pour l'Amérique latine, Ceylan, puis l'Afrique du Nord. Ce jour de décembre 1995, l'homme qui m'avait ouvert la porte s'était tourné sans un mot pour moi vers le fond de l'appartement. Il avait dit d'une voix forte en espagnol « Paul, es la mujer ?» Je dégoulinais d'eau. Je me sentais pitoyable. Nous sommes arrivés dans une chambre sombre, aux murs et aux fenêtres couvertes de tentures noires. Paul Bowles était allongé sur un lit étroit, à une place. Il était vêtu d'un fin pull jaune en cachemire et portait une longue serviette de toilette beige accrochée au cou. Il était très soigné, les cheveux peignés, coupés nets, blancs, impeccables, incroyablement fournis pour son âge. Il avait une longue bague d'or, plate, qui recouvrait toute une phalange au petit doigt de sa main droite. Ses ongles étaient limés avec soin, polis. Ses yeux, très bleus, étaient animés, vifs, comme ceux d'un jeune homme, curieux, presque égaré sur cette figure de vieillard. Il m'a tendu la main et m'a salué dans un français magnifique. Je bredouillais. Au pied de son lit, un jeune Marocain, entre 16 et 18 ans, buvait du thé. Il regardait Paul d'un air ambigu, et Paul Bowles le regardait aussi, comme ça, furtivement. Je me suis demandé si ce jeune homme n'était pas son amant. Il y avait une telle intensité dans leur regard et du désir dans celui de Paul, si âgé que ça me sidérait. De retour à Paris, je l'ai raconté à Irène, ce désir dans les yeux de Paul Bowles, alors âgé de 85 ans. Ce désir qui n'était pas mort et qui ne mourrait qu'avec lui, et qu'on lui avait à ce moment-là envié toutes les deux. On s'était demandé si à son âge, on pourrait, nous aussi, éprouver encore un désir comme celui-là. J'ai demandé à Paul Bowles si ça ne le dérangeait pas trop que j'enregistre ce qu'il allait me dire. Il m'a répondu « Ça me dérange, mais pas trop. » Et il a ri. Irène aussi a ri quand je lui ai rapporté la réponse de Paul. Et tous ceux à qui j'ai raconté cette histoire par la suite aussi. Paul avait cette sorte d'humour, un peu blessant, mais pas trop. Et Jane aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup ri. Ils ont beaucoup ri avant qu'elle ne commence à pleurer. Et ça, Paul me l'a dit plus tard. Mais en lisant leur livre, on avait déjà compris leur chagrin, Irène et moi. Ce jour-là, à Tanger, le 29 décembre 1995, j'ai installé un micro sur la table de cuivre à 1 mètre de Paul Bowles et mis le magnétophone en marche. Il répondait à mes questions en tapotant ses ongles sur son plateau au rythme de sa parole. En vivant ici à Tanger, vous avez vécu dans le même immeuble que Jane Bowles. J'ai continué à vivre dans le même immeuble. Voilà. Et est-ce que, j'imagine ou je me pose la question de savoir si pour vous toujours sa présence, c'est quelqu'un d'encore très présent dans votre... dans votre souvenir, dans votre vie quotidienne. C'est normal, oui, oui. On ne peut pas s'échapper de des choses comme ça. Je n'essaie même pas de m'échapper des mémoires. Des mémoires, non. Souvenirs. Ah, des souvenirs. Il y a tant de choses ridicules. Pour l'apprécier, il fallait avoir un sens du ridicule, pas un sens d'humour. Parce que elle était plus amusante quand elle était complètement ridicule. Mais elle le savait. Je crois qu'elle le faisait exprès. C'est la sorte d'humeur qu'elle avait, savaient très bien que disaient des choses ridicules. Les personnages féminins de Jane Bowles sont toujours un peu ridicules, attendrissants, drôles. Il y a cette sorte d'humour dans ces personnages aussi, je trouve. Alors, tu veux être honnête et pure comme une fleur, n'est-ce pas ? Si tu ne t'allonges pas dans la vase et si tu ne me laisses pas te couvrir de boue pour que tu ailles ensuite te laver dans la rivière, tu seras condamné à des souffrances éternelles. Veux-tu être condamné à des souffrances éternelles ? C'est le moment de te décider. La boue est froide. Les flammes de l'enfer sont brûlantes. Si tu me laisses opérer, tu n'iras pas en enfer. Ne sois pas trop longue. Avec Irène, on jouait souvent à Christina Göring et à Mary, et quelquefois aussi à Mrs. Perry et John Drake, des personnages de Jane. Une année, dans un hôtel, en vacances, c'est leur nom qu'on avait inscrit à la place des nôtres sur le registre de la réception. Moi, j'étais Madame Copperfield, et elle, Mademoiselle Gamelon. C'étaient des noms ridicules qui nous plaisaient parce qu'ils nous semblaient si improbables, surtout Gamelon. On avait parlé avec un drôle d'accent new-yorkais pendant notre séjour dans cet hôtel au bord de la mer. Enfin, un accent qu'on imaginait être new-yorkais. Les gens nous prenaient pour des folles et ça nous faisait hurler de rire la tête des gens. À Tanger, je dis à Paul Bowles que j'avais lu quelque part qu'il existait un enregistrement de la voix de Jane, de son rire si particulier, paraît-il, et que j'aurais beaucoup aimé entendre. J'étais persuadée qu'il ressemblerait à celui d'Irène. Paul Bowles m'a répondu avec soin, précisément, comme il le faisait toujours. Ça existait. Mais oui, il y avait une petite chose de 5 minutes. Et puis, sur une autre bande, il y avait un déjeuner avec quelqu'un qui est venu des États-Unis pour enregistrer la voix de Jane pour la radio, je crois. Alors, c'était après sa maladie, mais c'était pendant une espèce de vacances de la maladie entre les premières années et les années suivantes. Elle passait par un ou deux ans de assez bonne santé. Mais elle insistait à boire de l'alcool pendant tout ce temps, qui était très mauvais pour elle. Les médecins lui ont toujours dit ça et elle le savait. Alors elle est retombée dans la maladie. Oh, I'm sad for never knowing courage. And I'm sad for the stealing of Le seul enregistrement connu de sa voix et de son rire demeurait introuvable. Son squelette avait failli disparaître dans une fosse commune avant ce miracle réalisé par l'étudiante espagnole. Elle avait aussi perdu le premier roman qu'elle avait écrit, Le Phaéton hypocrite. Et à la fin de sa vie, elle détruisait ses textes, se mettait à les haïr. Irène disait que Jane Bowles se tenait dans cette tension entre son désir de lumière, sa volonté de briller et son attirance pour l'ombre et le secret, et que ça l'a tuée. À Tanger, j'avais essayé d'en savoir davantage auprès de Paul Bowles. Elle-même, elle avait de grandes difficultés à écrire. J'ai lu qu'elle avait détruit son premier roman, Le Phaéton hypocrite. Elle l'avait détruit. Elle voulait détruire Plaisir paisible aussi. Et comment vous expliquez à la fois ce désir d'écrire et cette volonté de détruire son travail? Oui, mais ça, ces choses-là ne sont pas venues ensemble, ce n'était pas simultané. Elle n'a pas détruit le vaillant hypocrite, elle a perdu. Mais elle faisait ça toujours. Peut-être c'était sa manière de détruire. Mais si on lui demandait, elle dit, hop, c'est perdu. Mais où? Je ne sais pas. Elle ne savait pas vraiment. Elle ne mentait pas, mais c'était perdu. C'est grâce à Irène qui me prêtait ses livres que je découvris les textes de Jane et tous ces livres des auteurs anglo-saxons féminins du XXe siècle. Jean Rhys, Anne-Marie Schwarzenbach, Anna Cavan, Sylvia Plath, mais aussi Doris Lessing, Anaïs Nin, Flannery O'Connor, Catherine Mansfield, Virginia Woolf. Ces femmes qui avaient su ou pu dire mieux que toutes les autres femmes du monde et pour toutes les femmes du monde, leur mal-être, leur difficulté de femme dans une société régie par les hommes, où elles luttaient pour prendre leur place d'écrivain, de femme. Irène et moi, depuis quelques mois, ne lisions plus que des auteurs féminins, et Jane Bowles était devenue notre préférée. À Tanger, auprès de Paul, dans sa petite chambre confinée, au mur recouvert de bande-son 625 et de tentures noires, j'essayais de comprendre pourquoi c'était lui qui était devenu le grand écrivain, et pas elle. Votre rencontre avec Jane, vous étiez compositeur et elle était écrivain. Et oui. Est-ce que c'est elle qui vous a amené à écrire ou donné envie d'écrire ou comment ça s'est fait le glissement? Non, ça. J'étais avec elle quand elle a écrit son roman, Deux dames sérieuses. Et ça m'a intrigué beaucoup de voir comment ça marche, une chose. Parce que j'avais Je n'avais jamais été avec personne qui était en train d'écrire un roman. Ça m'a donné envie de faire la même chose. C'est tout. C'était mon idée. C'était une espèce d'imitation. Je voulais moi aussi être romancier, que je n'avais jamais écrit. Donc c'est en rencontrant Jane Bowles que vous avez eu envie d'écrire un roman, en fait. Oui. Longtemps avant ce voyage à Tanger, sous cette pluie permanente, presque 5 ans avant cet après-midi-là, dont je me souviens si nettement, Irène m'avait offert l'édition anglaise de la biographie de Jane Bowles, écrite par Millicent Dillon, « A Little Original Sin ». Elle pensait que c'était un peu moi, le petit esprit original. J'avais pour ma part toujours pensé que c'était elle. I dreamt I climbed upon a cliff, my sister's hand in mine. J'ai rêvé que j'avais escaladé une falaise, la main de ma sœur dans la mienne. A girl ran down a mountainside. Une jeune fille a descendu la montagne en courant, with bluebells in her hat, avec des myrtilles dans son chapeau. I asked the valley for a name. J'ai demandé à la vallée son nom. But wakened not yet knowing if the name she bore was my sister's name or if it was my own. Mais je me suis réveillée avant de savoir si le nom qu'elle portait était celui de ma sœur ou le mien. Chanson écrite par Jane Bowles. C'était Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva, avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Fedre Artemis, et la voix de Paul Bowles. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taronic.